Le représentant de la succursale chilienne de l'association d'amitié avec la Corée, Manuel Arismendi, a appelé à l'assistance immédiate aux sinistrés de la province du Hamgyong du Nord de la Corée. Le 13 septembre, dans son homepage d'Internet, il a appelé les formations et les peuples progressistes du monde, y compris les formations et les personnalités d'Amérique latine et d'Europe, à l'assistance immédiate pour les habitants du bassin du Tuman au nord de la Corée, victimes de la plus grande catastrophe naturelle après la libération nationale.